Dans la grande salle du cercle, tout le village est réuni. Sur une estrade, le curé, le boulanger et l'instituteur sont assis derrière le marquis, qui est debout et qui parle. Et pour me résumer, mes chers amis, je dis que nous n'avons qu'une solution. Nous avons le devoir d'oublier les haines familiales qui nous séparent les uns des autres. Nous avons le devoir de nous unir. Nous devons retrouver notre belle boulangère, non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle représente notre pain quotidien. Elle n'est certainement pas loin. Les coupables sont partis ce matin de bonne heure. Et le cheval qui m'ont renvoyé n'avait pas fourni une longue course. Et vous savez que je m'y connais. Oui. Si nous organisons immédiatement nos recherches, nous l'aurons retrouvé avant ce soir. Commençons donc dès aujourd'hui notre croisade pour la belle boulangère. D'accord, nous irons tous. Et maintenant, notre ami le boulanger, si douloureusement éprouvé par cette fugue, mais qui sera consolé avant ce soir, va à son tour vous dire quelques mots. Il va s'asseoir et fait lever le boulanger qui s'avance. Il est très embarrassé. Mesdames, messieurs, je ne parlerai pas aussi bien que monsieur le marquis parce que je ne pourrai pas, j'en suis incapable. Et puis, je me trouve dans une situation tellement critique que je ne ferai pas un beau discours. En plus, je suis gêné par cette lampe qui est au-dessus de ma tête, parce que j'ai peur, si je remets trop, de la casser d'un coup de corne. Vas-y, boulanger, vas-y! On t'aime bien, boulanger, vas-y, va! Je vous demande pardon si j'ai pas fait de pain aujourd'hui. C'est à cause du doute où je suis. J'ai plus la tête à moi. J'avais peur de vous fabriquer du pain avec de la sciure ou de pétrir des brioches à l'eau de Javel. Mais si vous me ramenez mon Aurélie, alors là, vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai un pain comme vous avez jamais vu. Un pain qui sera si bon qu'il ne servira pas d'accompagnement pour autre chose. C'est un pain qui sera un délice, un régal pour les gourmets. Vous ne pourrez plus dire... J'ai mangé une tartine de fromage sur du pain. Vous direz, j'ai mangé une tartine de pain sous le fromage. Je pétrirai 5 kilos de pain tous les jours pour les pauvres. Et dans chaque pain que vous aurez, il y aura une grande amitié et un grand merci. Monsieur le curé se lève à son tour. Bravo. Très bien, Franck. Mesdames et messieurs, après les discours que vous venez d'entendre, je n'ai plus rien à ajouter, sinon que je souhaite le succès le plus complet à l'expédition qui se prépare. Et maintenant, mes chers amis, j'avertis les croyants qui sont nombreux dans cette assemblée. Il est 3h05 et les vêpres vont commencer. On va aux vêpres? Ah non. Non. Monsieur le curé sort, suivi d'un bataillon de femmes et d'enfants. Alors le marquis, tout à fait à son aise, reprend le ton du chef d'escadron qu'il fut. Silence! Rapport! Qu'est-ce qui m'a foutu des réservistes pareils? Alors, rassemble là-bas! Tous les hommes se lèvent et viennent s'aligner devant lui. À gauche! Hush! Lieutenant, vous avez des cartes? Oui, mon commandant. Le terrain à battre a été divisé en 12 secteurs. Chaque patrouille sera responsable de son secteur et devra rendre compte de sa mission avant 7 heures. Premier rang, un passe à l'avant. Secteur? Les chaussières par la ferme de Panonchon, 12 km route carrossable. Vous avez des bicyclettes? Oui, monsieur le marquis. Non, commandant. Oui, mon commandant. Allez, première patrouille, rampez. Premier rang, deux passes à l'avant. Dans la plaine des marais de Bistagne, il y a une île de verdure. Et dans une cabane de chasseurs, le berger et la boulangère dorment sur un lit de feuilles mortes.